Comment direz-vous, vous, usted, devez attendre ici? Tiene que... Encore une fois. Tiene que. D'accord. Tiene que, vous devez attendre ici. Esperar aquí. Bien. Hein? Tiene que esperar aquí. Tiene que, vous devez, hein? Il faut que, tiene que esperar. Et vous devez m'attendre. Tiene que esperarme. C'est ça. Tiene que esperarme. Vous devez m'attendre. Tiene que esperarme. Comment direz-vous? Il n'est pas nécessaire que vous, hein, usted, m'attendiez. No es necesario. No es necesario, hein, que vous m'attendiez. Que me espera. Là, comme en français, il vous faut utiliser le subjonctif. Ah oui, c'est vrai. Que vous m'attendiez. Oui. C'est comme en français ici. Hein? On ne dit pas « il n'est pas nécessaire que vous m'attendez », mais « il n'est pas nécessaire que vous m'attendiez hein? ». On exprime une opinion, hein? Donc quelque chose de subjectif, hein? D'où l'usage du subjonctif. Hein? Et c'est alors que vous intervertissez les sons clés. Hein? « No es necesario que me espere ». Comment dit-on avoir besoin de? J'ai besoin de. Necesito de. Pensez au verbe nécessiter en français. Hein? En français, on ne dit pas nécessiter de, mais nécessiter tout court. Eh bien, en espagnol, c'est la même chose. Alors, j'ai besoin de se dit. Necesito. C'est ça, hein? On ne dit pas « necesito de », mais « necesito tout court hein? ».« Necesito », j'ai besoin de « necesito algo », j'ai besoin de quelque chose, du verbe « necesitar ». Alors, maintenant, comment direz-vous « vous n'avez pas besoin d'attendre hein? » Vous vous adressez à « usted ».« No necesita esperar ». D'accord. No necesita esperar. Hein? Ou no es necesario que espere. Il n'est pas nécessaire que vous attendiez.